Jet, Nancy, 94.2. Une heure avec Gilles Blondet et le Perrier. Une délicatesse de ceux qui nous font vivre ces 40 heures exceptionnelles, eh ben, ils ont repris le générique de l'ancienne émission. C'est-à-dire la première des émissions, ceux qui écoutent une heure avec tous les mardis, plutôt tous les troisièmes mardis du mois, ça vient que c'est maintenant un autre générique, mais c'est bien. Une plongée dans l'histoire, on a ce bonheur-là de passer une heure, de prendre le temps avec des personnalités connues ou inconnues, ils font la une des journaux, ils sont complètement ignorés du grand public, mais ils acceptent de passer une heure avec moi, le Perrigui, pour partager ce qui leur qui donne sens à leur vie, ce qui les fait vivre, même à travers leurs échecs, mais à travers ce qu'ils ont pu rater. Ils jouent pas au malin. Mais merci à eux d'accepter ce rendez-vous qui est attendu au-delà même des frontières. C'est en particulier au Cameroun, très régulièrement. Merci à vous. Merci Gilles d'être avec nous ce soir. Comment est-ce que vous aimez être présenté ? Alors, comment j'aime être présenté ? Comme quelqu'un de fidèle, donc fidèle en amitié, fidèle dans mes relations et fidèle aussi à mes paroles ou à mes engagements. Et puis quelqu'un d'attentionné vis-à-vis des autres. C'est comme ça que j'aime bien me définir et je pense que c'est comme ça que je suis perçu, sans être trop présomptueux. Ah, c'est pas prétentieux, c'est être fier de ce qu'on est capable de pouvoir vivre et de l'image qu'on peut donner de soi, c'est pas rien. Hein. On démarre, comme d'habitude, avec le récit de votre enfance. Qu'est-ce qui a marqué les 10 premières années de votre vie ? Alors, les 10 premières années de ma vie, je les ai passées tout près d'ici, hein, puisque j'habitais 89 rue Saint-Nicolas, donc c'est à moins de 100 mètres du studio de la radio. Et ce qui m'a marqué, c'est on est toujours trois frères et sœurs. Donc moi, je suis l'aîné des trois, et on est tous les trois issus d'une famille d'ouvriers. Hein. Mon papa était sans diplôme et peintre, et ma maman, j'ai quand même 66 ans, donc à l'époque, ma maman s'est occupée de nous jusqu'à ce que j'ai 9 ans. Donc elle est restée à la maison, hein, c'était le schéma classique, à s'occuper des enfants et du foyer. Donc c'est ce qui m'a marqué. Et surtout, je pense, beaucoup d'amour de la part des parents. Et puis, je me souviens aussi, parce que j'en parle assez souvent, que notre maman, tous les soirs, avant qu'on aille se coucher, elle nous faisait dire le Notre Père et le Je vous salue Marie. Deux prières des chrétiens. Voilà, oui. Allez, les années école, les petites classes, la maternelle, les souvenirs que vous avez de l'école, primaire. Bons souvenirs ? Ah, plutôt des bons souvenirs, mais j'ai pas de souvenirs bien, bien particuliers et marquants. Maternelle, j'ai pas du tout de souvenirs. Ça, c'est clair et net. Voilà. À part que quand on travaillait bien, on mangeait des bonbons, ce qui est plus trop autorisé maintenant, voilà. Et puis, j'ai eu une maîtresse au CP là qui était vraiment ancienne école, puisque c'était sa dernière année d'enseignement, et c'était très structuré pour apprendre à lire et apprendre à compter, voilà. Et puis je me souviens quand même de mes instituteurs comme des gens qui faisaient bien attention à leurs élèves, donc en particulier ma maîtresse qui m'a marqué au CE2 et le directeur d'école quand on était au CM2, juste avant de passer à la grande sixième, école. Voilà, qui faisait attention. On va passer à la grande école, mais juste un instant, on reste dans les 10 premières années, en gros. En dehors de l'école, qu'est-ce qui passionnait, est-ce que c'était du sport, de la musique, de la vie associative ou toute autre chose? Qu'est-ce qui vous passionnait? Quand on est, en dehors de l'école. En dehors de l'école. Qu'est-ce qui vous passionnait? Il y avait du sport, il y avait. Non, il n'y avait pas de la musique. Pas trop de sport. Moi, j'ai fait un tout petit peu de scoutisme à la paroisse, là. Ouais. J'ai louveteau, puis j'ai arrêté après, quoi. J'ai pas continué. Non, on avait peu. Moi, ce qui me passionnait beaucoup, et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis devenu ingénieur, c'était de faire du mécano et des Lego. Beaucoup de jeux de construction pour moi. Voilà. Mais la musique, non, les parents n'étaient pas très pas musiciens du tout. Donc, on n'a pas reçu une éducation musicale particulière. Mais je pense que bricoler, oui, ça me plaisait. Est-ce qu'avec du recul, mais peut-être qu'il n'y a pas, hein, on ne va pas les inventer s'il n'y a pas, est-ce qu'avec du recul, il y a des gens qui ont vécu pendant que vous étiez enfant un engagement qui vous a touché, un engagement humanitaire, un engagement au service des autres, un engagement tout simple, un engagement pour contre une injustice, que ça soit du côté des enseignants, que ça soit du côté des parents, des amis des parents. Est-ce qu'il y a un autre visage qui vous a marqué comme enfant? Comme enfant, non, pas spécialement, sauf que ma maman s'occupait bien de nous et qu'effectivement, elle s'était engagée dans la vie de la paroisse, là, pour tout ce qui pouvait être éducation religieuse, quoi. Voilà, donc ça m'a marqué. Ouais. Sinon, dans la famille, non, pas d'engagement particulier en termes... Des mauvais souvenirs de gosse? Honnêtement, j'en... Il n'y en a pas. Si, à la limite... les mauvais souvenirs que je peux garder, c'est peut-être quand on était pas sage, c'était aller se coucher sans le bisou de la maman. Voilà. Ah, ça va, c'est que dans les mauvais souvenirs, on peut... Et années collège, on prend les années collège. Oui. Qu'est-ce qui a marqué les années collège? Ce qui a marqué les années collège, en fait, c'est le début des problèmes de couple chez mes parents, quoi. Donc, 6e, 5e, 4e, c'était impeccable. Et puis, 3e, je me suis aperçu qu'entre mes parents, ça allait plus bien, là. Et j'ai pris un vrai coup derrière la tête. Et j'ai un peu perdu pied ou confiance. Si bien que ça m'a amené à redoubler ma 3e, quoi. Voilà. Bon, après, je pense que ça m'a fait un plus grand bien, parce que ça m'a reboosté pour le reste. Mais je pense que c'est quand même ça qui m'a le plus marqué. Et puis après, des vraies relations avec tous mes copains de classe ou copines de classe, quoi. Hein, ça change par rapport à l'école. On a des relations un peu plus suivies. Puis on a surtout un peu plus d'autonomie qui est donnée par les parents pour faire d'autres choses, quoi. Hein. Donc en particulier, on aimait bien faire du vélo. Donc ça, on a fait souvent du vélo. D'autres faisaient des sorties en nous accompagnant avec leur mobylette, parce qu'ils avaient un peu plus de moyens, mais voilà. Ce coup derrière la tête, quand vous avez découvert que finalement ça ne s'entendait pas si bien que ça entre papa et maman, avec qui vous avez pu en parler? Bon, en fait, je pense, moi j'en ai parlé à personne, un petit peu avec ma sœur, mais honnêtement, avec les parents, jamais, quoi. Ouais. Et un copain avec qui en parler? Je me souviens plus trop à l'époque si j'en ai parlé avec des copains. Non, je pense pas. Je pense que j'ai vraiment gardé ça pour moi, quoi. Et j'en ai peut-être discuté uniquement avec ma sœur parce qu'elle avait 18 mois de moins que moi. Mon frère avait 4 ans d'écart et je pense que j'en ai parlé qu'avec ma sœur. Je sais pas, peut-être. Un peu honte ou pas fier de cette situation, si bien que j'ai... Un peu coupable? Ah non, pas... La honte, c'est parce qu'on est un peu responsable ou pas? Non, honte, parce que je pensais que des parents, c'était fait pour bien s'entendre, et puis, puis que ça devait durer toute une vie, puis voilà, puis surtout qu'il y avait un vrai décalage entre mon papa et ma maman, et je voyais bien que mon papa était complètement indifférent, et, enfin, de ce que je voyais, quoi, et que ma maman était plus affectée, quoi, voilà. Plus touchée. Plus touchée, oui. Là, c'est les années collège, c'est les années lycée, et des événements, heureux ou malheureux, qui ont marqué ces années collège et ces années lycée? Bon, après, moi, j'étais content parce que je réussissais bien scolairement, donc voilà, c'est quand même une satisfaction. Sinon, non, j'ai eu une vie assez sans gros événements qui auraient pu me perturber, quoi. Hein, voilà. Je pense aux auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été confronté à l'injustice, ou confronté à la souffrance, ou même confronté à la mort? Est-ce qu'il y a eu des événements de familiaux, des événements du côté de vos copains, des événements du monde qui vous ont touché, comme la mésentente des parents, mais est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont marqué le jeune Gilles? Oui, il y en a un, oui, effectivement, c'est un oncle qui est mort d'un accident du travail, là. Donc il travaillait dans les mines de Varangéville, là, les mines de sel, et donc moi je devais avoir 8-9 ans, et là effectivement ça m'a marqué, parce que mon cousin qui avait peut-être 6-7 ans de plus que moi, il se retrouvait orphelin, et un peu triste depuis avoir son papa. Puis c'est surtout que voilà, on le voyait régulièrement, et puis subitement, je veux dire, c'est la première fois que j'étais confronté à la mort, quoi. Voilà. Dur? Oui, assez dur, parce que j'ai vu que effectivement mes parents étaient touchés, puis mon cousin et ma tante étaient aussi très touchés, quoi. Et donc quand on a 8-9 ans, c'est vrai que comme c'est la première fois, c'est un peu compliqué et dur à vivre. Est-ce que là, pareil, il y avait des gens avec qui parler? Avec qui en parler? Est-ce que vous avez pu, enfant, parler de la mort? Je pense toujours à ceux qui nous écoutent, bien sûr, à vous, mais à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, est-ce que quand il y a un événement aussi lourd qui arrive, à la mort d'un tout proche, on peut en parler avec quelqu'un? Je ne sais plus trop si j'en ai parlé. Ouais, pense qu'on en a parlé avec les parents, mais je ne me souviens plus exactement de ce qu'on a pu se dire, parce qu'ils ont dû quand même un peu nous expliquer. Enfin, nous, quand on est gamin, on se pose la question de pourquoi ça arrivait. Donc, ils ont dû nous donner des réponses sur le pourquoi. Et puis, je pense qu'après, ils ne nous ont pas non plus caché la vérité, quoi. Je veux dire, on est allé sur la tombe pour pouvoir se rendre compte. Et puis... La mort n'était pas gommée. Non, la mort n'était pas gommée, je veux dire. Donc, on est allé sur sa tombe. Et puis, de toute façon, il y avait déjà le grand-père maternel qui était mort. Je n'ai jamais connu, mais on savait qu'il était mort aussi, quoi. Mais ce n'est pas pareil de dire que quelqu'un est mort et de... Quand on est gamin, de voir quelqu'un et puis une semaine après... s'apercevoir qu'il n'est plus là et puis qu'on ne le verra plus jamais, quoi. Et c'est déjà à ce moment-là, dans les années lycée, je quitte les années collège et même les années d'école sur lesquelles on est revenu, c'est à quel moment vous vous êtes dit « je deviendrai un ingénieur » Parce que en fait, mes parents étaient de milieu ouvrier. Mmh. Alors même si on n'a jamais manqué de rien... Je veux dire, de rien matériellement, hein, puisque j'ai dit, on a été... Plutôt vélo que mobylette tout de même. Oui, plutôt vélo que mobylette, mais bon, à la limite, vélo, ça faisait du bien pour le corps, donc c'était pas gênant. Mais je me suis dit, je veux pas, si je fonde une famille, que ça soit... Enfin, je veux que ma famille ait des moyens un peu plus... aisés que ce qu'on a nous, même si on a manqué de rien, mais on partait pas forcément en vacances et il y avait pas d'extra, quoi. Donc tout était compté et j'avais pas envie de cette vie là quoi. Donc c'est surtout ça qui m'a décidé. Et pourquoi ingénieur? Pourquoi pas avocat, médecin? À la limite, même maintenant je me pose la question, pourquoi j'ai fait ingénieur? Parce que j'aurais pu me tromper, quoi. Mais en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'aimais bien bricoler. Mon papa était un mécanicien. Enfin, mécanicien, il était peintre, mais il aimait bien la mécanique. Et souvent, quand il faisait de la mécanique, il nous emmenait, mon frère et moi, avec lui. Et donc, c'est ce qui m'a donné le goût de faire un métier technique, quoi. Et financièrement, c'était jouable que de faire une école. Où il a fallu que papa et maman fassent, même séparés, fassent... mettre la main à la pâte ou... Non, bah, j'étais boursier, puis après je me suis débrouillé tout seul. Hein. Je travaillais les dimanches matins chez un traiteur pour pouvoir arrondir les fins de mois. Quoi. Voilà. Mais je me suis débrouillé... Une vie dure Non, rétrospectivement, je trouve que c'est les plus belles années de ma vie quand j'étais effectivement en école d'ingénieur pour apprendre mon métier. Quoi. Parce que j'ai fait des vraies rencontres. Et c'est des amis que je garde encore et puis avec lesquels on passe 3-4 jours tous les ans à se retrouver pour parler de tout, rire, faire des parties de pétanque, voilà, prendre du temps pour échanger entre nous sur tous les sujets. Je sais que Fabienne, qui produit l'émission, vous a invité avec une intention particulière, votre relation... précoce avec Fadzette. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez connu Fadzette? Oui, c'est à l'époque-là. C'est, en fait, j'ai rencontré le prêtre avec qui est cofondateur, puisque c'est comme ça qu'il dit de la radio. Donc, je suis effectivement cofondateur avec lui de la radio. Enfin, avec lui. Et puis, avec aussi Thierry Vincent, qui n'est pas là ce soir, et puis qui aurait dû faire une heure avec... nous deux. Et donc, oui, je l'ai rencontré en 82, puis on avait échangé tous les deux sur ma vie, et puis ce que mes attentes, mes interrogations. Et donc, il m'avait proposé aussi de venir faire un camp, et en 82, j'ai pas pu faire le camp, parce que bah, je devais faire un stage pour l'école. Et donc, là, j'avais promis que je ferais ça en 83, et effectivement, l'été, automne 83, j'ai fait un camp, et c'est de là qu'est né un peu Fadzette. On va reparler de ce camp. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. 1985-2025. Fadjet. Les bonnes ondes nancéennes. Et mon invité, j'ai plus de générique là. Valentin me surprend avec plus de générique. Mais on découvre Gilles depuis le début de cette émission. Une vie toute simple, avec une vie très aimante de ses parents, sa sœur, son frère, son entourage, avec des événements lourds, mais bien assumés, semble-t-il, la mort d'un oncle. Et puis, lourd, la séparation des parents, il ne s'y attendait pas, un coup sur la tête. Ça marque encore quand il parle, il a 66 ans, quand il parle de cet événement, il en parle avec émotion. C'est pas rien dans la vie d'un homme, surtout qu'il s'est présenté comme quelqu'un qui aime la fidélité. Blessé, sans doute. Mais quand on s'est quitté avec, avant le, quand on n'a que l'amour, il y avait l'amorce de son arrivée ici à Fadjet. Gilles, vous êtes dans les tout premiers? Bah, oui, dans les tout premiers. Vous étiez en école d'ingénieur, vous aviez fait un camp. Oui. Racontez un peu comment ça s'est passé, sans tout raconter, parce qu'on y est jusqu'à minuit. Oui. Et il y en a d'autres qui vont prendre la parole. Il a duré une semaine. Donc. Non, donc c'était une semaine de camp itinérant, donc on allait d'un endroit à l'autre. Hein, et donc le point de chute, c'était l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, et sur le chemin, on est passé par Vézelay, à la basilique, et je me souviens que d'avoir eu, je ne dis pas une révélation, mais dans cette basilique, qui était, le souvenir que j'en ai, très lumineuse, j'ai senti une vraie présence, je pourrais dire présence de Dieu, quoi. Et je me sentais vraiment bien. C'est difficile à pour, expliquer. Mais pour un ingénieur, ce n'est pas un peu irrationnel? Un élève ingénieur qui aime bien ce qui est rationnel, et de sentir une présence qu'on a du mal à expliquer? Non, mais j'en avais déjà discuté un petit peu avec le prêtre là, en 82. J'aimais bien ce que je faisais. Je m'étais investi aussi dans la vie étudiante sur Strasbourg, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose, parce que effectivement, j'ai quand même eu une éducation religieuse. Communion, profession de foi, confirmation, j'étais enfant de cœur, et puis je suis resté enfant de cœur longtemps, et donc il y a un moment, effectivement, avec les problèmes de mes parents, je me suis dit, il n'y a guère qu'à moi que je peux faire confiance, et puis c'est tout, parce que voilà, même des parents, ça casse et on n'est pas obligé. Ça vous a replié sur vous-même? Oui, ça m'a replié sur moi-même, et puis il y a un moment, effectivement, je me suis dit, quand j'étais étudiant à Strasbourg, c'est bien tout ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il me manque un peu quelque chose. Je pense que le déclic du camp a aidé, quoi. Alors, comment est arrivé Fadjet? C'est au camp que ça s'est décidé? Alors non, après, je suis parti à l'armée, et puis le prêtre, là, m'a demandé, parce qu'il y avait une inter-aumônerie de tous les lycées de Nancy, d'assurer, si je voulais bien, assurer une permanence le dimanche après-midi dans cette maison pour accueillir tous les jeunes qui pouvaient passer, parce qu'ils savaient que c'était un lieu ouvert avant que je reprenne le train pour l'armée. Donc les premiers temps, c'était tout nouveau. Je suis resté là et je suis resté souvent seul. Mais je crois que encore heureux que j'ai été fidèle à cet engagement, parce que petit à petit, il y en a un qui est venu, deux, trois, et puis l'histoire a duré, quoi. Mais après, les dimanches, il y avait beaucoup plus de monde que deux ou trois personnes, parce qu'effectivement, c'était un lieu où on pouvait trouver quelqu'un, et puis où on pouvait échanger, quoi. Et j'ai même donné un petit peu de cours de soutien à un élève, je me souviens, qui était en BTS, et qui avait un peu de... pas forcément des difficultés, mais qui n'avait pas assez confiance en lui. Donc, c'était travailler un peu avec lui les sujets. Mais tout ça ne nous fait pas encore arriver à Fadjet. Fadjet n'est pas né, là. Non, il n'est pas encore. Hein. Donc, après, ce prêtre-là m'a appelé et m'a demandé si je ne voulais pas devenir permanent d'église. hein, et en charge des aumôneries techniques, plutôt. Hein, parce que, effectivement, les lycées classiques avaient une aumônerie, mais pas les lycées techniques. Et moi, je sortais aussi du lycée Henri Loritz, et qui était à l'époque un lycée technique. Donc, ça permettait de retrouver un petit peu un lien. Hein. Et puis, donc, rapidement, on a démarré. Hein. On a été trois ou quatre, plutôt quatre animateurs, là. Et je crois que c'est durant un week-end, là, avec les jeunes qu'on avait organisé, hein, au Vic, près de Saint-Dié, dans les Vosges, là. Puis, qu'on demandait aux jeunes un peu ce qu'ils voulaient faire. Et puis... Il y en a plusieurs, comme c'était l'époque des radios libres, qui ont dit si on créait une radio. Et puis effectivement, au lieu de leur dire ça va être compliqué, on n'a pas d'émetteur, on n'a pas de locaux, donc on leur a dit pourquoi pas. Et puis on a lancé le projet. Effectivement, il y avait quelqu'un qui nous a prêté un émetteur, mais c'était quand même pas l'émetteur idéal. Et puis, il y a d'autres radios qui nous ont aidés, hein, sur le plan matériel. On nous prêtant du matériel pour qu'on puisse démarrer. Et effectivement, on a démarré la radio. Je crois qu'on avait dû faire une première émission en décembre 84 avant de lancer le vrai lancement de la radio en février 85. Et à l'époque, on émettait 2 heures par jour, mais quand même 7 jours sur 7. Et c'était donc là l'objectif, c'était de faire de la radio avec les jeunes, quoi, pas pour les jeunes ou hein, c'était vraiment que eux, ils prennent aussi en charge l'animation de. Est-ce qu'on peut dire que eux aussi, ils ont été fondateurs de Radio Phaser? Si déjà ils n'avaient pas eu l'idée, je pense qu'on serait pas là ce soir. Hein. Et puis effectivement après. Derrière, on y a cru. Enfin, on y a cru. Je sais pas si on y a cru, mais on a été assez fous pour s'engager avec eux, quoi. Quels sont les premiers souvenirs, les premiers bons ou rudes souvenirs que vous ayez de la radio? Pas de rudes souvenirs. Hein. Des bons souvenirs parce que il a fallu quand même construire le projet avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme émission, qui vient à quelle heure je m'occupais du créneau du dimanche soir, là. Il y avait un peu hit parade, là, parce qu'il fallait quand même de la musique. Je me souviens qu'on faisait découverte d'un pays. Hein, donc, c'était un jeune qui devait trouver un peu le pays, puis trouver aussi l'invité. Et puis, on préparait l'émission avec lui. Et puis après, on faisait l'émission qui existe toujours, Parole d'Outre-Mur, puisqu'à l'époque, on était au 63 et la prison était rue Charles III. Donc il n'y avait vraiment qu'un mur à traverser. J'ai entendu dire que la toute première émission, avec l'émetteur qui avait été prêté par Neuf Maisons, j'ai entendu dire qu'on a eu un jeune qui est venu depuis le centre Saint-Sébastien. Et on a eu un écho dans la semaine qu'un prisonnier nous avait écouté. C'était les deux premiers, semble-t-il. Hein? Oui, c'était ça. c'est assez fantastique parce qu'on n'avait pas fait de pub, on n'a pas distribué des flyers, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour annoncer tous ces événements. Mais c'est vrai qu'on a eu des auditeurs dès le démarrage. Quoi. À un moment, vous étaient de ceux qui ont eu peur que la radio soit interdite, que la police vienne reprendre l'émetteur, supprimer l'antenne. On a commencé à émettre sans forcément demander toutes les autorisations. Donc effectivement, on a été interdit. Mais bon, après, il y a effectivement l'évêque et puis improviseurs qui se sont mobilisés jusqu'au niveau du gouvernement pour... dire que c'était une radio qui était un peu originale et que avant de la couper, il faudrait peut-être écouter les responsables. Et c'est, semble-t-il, ce qui a eu lieu. A priori, oui, c'est ce qui a eu lieu puisqu'on a eu. Vous êtes resté combien de temps aux manettes comme resté... permanent d'église, comme vous dites, c'est-à-dire dans l'aumônerie des lycées techniques et professionnels et resté en lien, en responsabilité, un des responsables de la radio et de l'aumônerie? La radio et de l'aumônerie jusqu'en 87, puisque après il y a eu des changements dans ma vie, puisque j'ai fondé une famille, et puis j'ai été obligé de changer d'activité professionnelle qui m'a éloigné, donc deux années. Ça vous a été dur d'arrêter? Moi, je suis, comme je le disais, je suis fidèle, donc quand je quitte un endroit, c'est toujours un peu dur pour moi, quoi. Je vois même au travail, là, je suis resté sur le site plus de 36 ans, j'ai changé d'équipe, et chaque fois que je change d'équipe, ça me fait toujours quelque chose, parce que j'aime bien les gens, donc c'est un peu compliqué de quitter. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus toujours s'accrocher, hein, donc... Voilà. Et puis dans la radio quand même, ce qui m'avait marqué, c'est que à l'époque là, il y avait, on avait embauché un tuc et je me suis occupé du tout premier travaux d'utilité collective. Hein. Donc c'était des jobs d'insertion. Mmh. Hein. C'était un peu comme actuellement. Hein, c'était des associations ou des mairies qui pouvaient embaucher quelqu'un. Et là, on avait pris Stéphane, je me souviens. Hein, et donc, je l'ai accompagné. Donc, il faisait plutôt la partie technique. Et puis, je l'ai aussi accompagné pour qu'il mette en place un projet professionnel, parce qu'on voulait qu'à la fin, et c'était l'objectif des TUC, qu'il ait au moins un projet professionnel et puis les qualifications correspondantes. Et ça a marché ? Ça a marché. Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer. Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer. Le soleil se lève aussi. Le soleil se lève aussi. Le soleil. Et si l'espoir revenait, tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, pour la noirceur du soleil, sur le sable des marées, pour ta beauté au réveil, pour mon calme retrouvé. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, une heure avec sur Fadjet, animé par le Père Guy. Merci Benjamin pour cet intermède musical. Et merci Gilles de l'avoir choisi. Je rappelle d'un mot ce qui arrive en studio, c'est-à-dire par leur écouteur ou la radio chez eux. Eh bien, nous sommes en compagnie de Gilles. Gilles, une vie toute simple, est né d'une famille de trois, famille ouvrière, des parents qui aiment leurs enfants, et puis une vie scolaire sans difficulté, et même plutôt réussie, et une vie collégienne, lycéenne, de gros os, difficile à encaisser. C'est la mort d'un oncle ouvrier, et puis c'est la séparation des parents. Là, il s'y attendait pas un coup derrière la tête. Et lui qui aime tant la fidélité, c'est, semble-t-il, à l'écouter, il corrigera ma manière d'entendre ce qu'il nous a dit. C'est un des premiers coups durs, très coups durs, gros coups durs à encaisser, à avaler. Et puis il a continué. À un moment, il a rencontré Fadjet, d'abord l'aumônerie des lycées, puis la création de Fadjet. C'est un des cofondateurs. Mais quand on écoute, si vous voulez réécouter le début de l'émission, vous verrez que dans les cofondateurs, il n'y a pas simplement un prêtre, mais il y a des jeunes, et en particulier ceux du dimanche soir ou ceux de la rencontre au Vic, qui ont fait que cette radio, celle dont nous fêtons les 40 ans, est née là-bas. Avec des gens tout simples, comme Gilles, et comme beaucoup d'autres. Gilles, est-ce que, non seulement je résume bien, mais est-ce qu'il y a un lien avec la chanson que vous avez choisi de nous faire entendre? Oui, parce que je crois que l'espoir, il faut toujours le garder. Hein. Donc, je pense qu'en plus, la radio là, montre qu'effectivement, on a mis en place les fondations et les maçons qui ont suivi ont supposé des briques et bien les sceller, puisque c'est vrai que l'objectif de la radio à l'époque, c'était donner la parole aux jeunes, et surtout aux jeunes de l'enseignement technique auxquels on donnait pas beaucoup la parole et puis qu'on considérait pas forcément comme ceux des lycées classiques. Je pense que effectivement l'esprit est toujours là, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous dites qu'il y a un moment, ce passage, ça fait des années tout de même, à la responsabilité de la naissance de Fadjet, avec tous les fondateurs et cofondateurs de la radio, est-ce que ça veut dire que ça, mais peut-être pas, hein, est-ce que ça vous a marqué pour toute votre vie? Ah ben je pense, oui, ça m'a marqué. Je veux dire, je peux pas, c'est peut-être prétentieux, quoi, mais je suis fier de ce qui a été fait, quoi. Ouais. Et, oui, je peux, oui, parce que c'était quand même une expérience où ceux qui ont démarré, enfin, je pense que ceux de maintenant aussi, on a consacré du temps et de l'énergie pour soutenir le projet, quoi. Hein. Donc, parce que quand on dit 2 heures d'émission le dimanche, il n'y a pas que les 2 heures d'émission, hein, il y a tout ce qui va avec, là. Et puis après, effectivement, comme je le disais, accompagner les jeunes sur le chemin de la réinsertion. Bon, ben, j'y passais aussi mon samedi matin, quoi, hein, à voir Stéphane, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, c'était quoi les difficultés, c'est quoi le programme de la semaine prochaine, et puis ton projet professionnel, c'est quoi, et t'en es où dans tes recherches de formation pour avoir les qualifications souhaitées, quoi. Est-ce que, comme ingénieur, après, vous avez eu à défendre les projets professionnels de vos ceux qui vous étaient confiés, des chantiers d'insertion? Est-ce que c'est quelque chose qui avait un peu le goût de Fadjet dans votre vie professionnelle? Dans le goût, oui, dans ma vie professionnelle, oui, parce que l'entreprise ArcelorMittal, là, pour laquelle je travaille, on avait signé une convention justement avec Pôle emploi à l'époque, où on devait réinsérer des jeunes qui étaient, c'était dit comme ça, quoi, en échec scolaire. Hein, donc on s'était engagé en embaucher 16 sur le site, là. Et donc on cherchait des volontaires pour en accueillir. Et moi, j'ai été volontaire pour accueillir une jeune fille dans une équipe que d'hommes, oui, ou que de mecs, quoi. Hein, voilà, pour qu'elle apprenne le métier de la mécanique. Donc, et en plus, je suis content parce qu'elle a réussi son BEP à l'époque, et après, donc BEP de maintenance, et après, elle a réussi à avoir un bac professionnel d'exploitation de lignes de production. Donc, plutôt fier. C'était dans la foulée de ce que vous aviez vécu à Fazette? Bah, c'était 92, 93, donc peu de temps après, quoi. Oui, ça avait ce goût-là, quoi. Oui, ça avait ce goût-là. Ça pas que vous n'aviez pas perdu le goût. Non. Vous avez changé de bocal, mais vous n'avez pas perdu le goût. Non. Mais j'ai toujours fait. Moi, dans mon expérience professionnelle, là, j'ai fait plus de 30 ans de management d'équipe, et j'ai toujours fait attention au développement des compétences professionnelles de mes collaborateurs. Voilà. Et puis j'ai surtout toujours cherché à les autonomiser, quoi. Moi, j'aimais pas, j'ai des collègues, quand ça marche pas, appelle-moi. Et je dis non, je fais bien mon boulot quand ça marche pas, puis que les gens arrivent à faire marcher sans moi. Alors, c'est pas toujours le cas, mais j'ai jamais dit si ça marche pas, appelle-moi, quoi. Vie familiale, vie professionnelle, la suite après Fadjet, par grands événements, s'il y en a, oui, de pouvoir raconter qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie familiale et vie professionnelle après Fadjet. Après Fadjet. C'est dans les 35 ans après. Oui. Ce qui m'a marqué, le premier, c'est le décès de Sissou, puis l'accompagnement. Sissou Sissou, c'est en fait le frère d'Isabelle, qui était ma première femme. Et donc, il est décédé à l'âge de 18 ans d'une leucémie. Et donc, j'ai vécu ça au plus près de lui, enfin, sans être à son contact, quoi. Mais je vivais bien avec et ses parents et le prêtre qui les a accompagnés tous les trois, ou même tous les quatre, avec Isabelle. Donc ça, c'était la première chose, là, parce que c'était vraiment dur de le voir décliner physiquement. Là, c'est pas simplement confronté à la mort, c'est confronté à la maladie. Comme inéductable. Voilà. Hein, donc, parce qu'en fait, il avait eu une greffe de moelle. Et puis, donc, normalement, c'était censé pouvoir le guérir. Et puis, juste avant Noël, on l'a pas. Enfin, nous, on ne le savait pas, mais il a appris qu'il faisait une rechute. Et puis. C'était la phase terminale, quoi. Donc ça, c'était un peu dur. Et puis Est-ce que c'est lui dont on parlait hier, mais hors antenne, j'entendais dans le en bas, quand il y avait la présentation ou autre, est-ce que Sissou, Alexis, c'est un des cofondateurs de Fadjet? Aussi, oui, parce qu'il était, il était en lycée technique, lui aussi. Hein. Donc, oui. Lui, à l'époque, il était au lycée Saint-Joseph, qui était tout en haut à Lac-Soul. Lui, oui, c'est un cofondateur. Une belle figure encore, hein, qui vous a marqué. Ça m'a marqué, oui. En plus, j'étais accompagnateur d'une équipe où les jeunes se voyaient régulièrement, tous les mois, hein, pour pouvoir échanger sur des questions de leur vie, mais vraiment sur du personnel, et puis pouvoir échanger... en toute simplicité, en toute confiance et dans le respect, quoi. Voilà. Plusieurs fois, vous avez dit, à propos de la mort, à propos de la séparation des parents, n'avait pas d'endroit où parler. Est-ce que Fajet, je reviens un peu en arrière, a été un des endroits pour vous comme pour d'autres où on pouvait parler de nos joies, de nos peines, de nos difficultés, permettre à des jeunes de pouvoir dire leur ras-le-bol, dire leur joie, dire leur aspiration. Je pense que, c'est même sûr, Fajet, c'était l'objet de cette radio, quoi, de pouvoir parler. Et vous avez été bénéficiaire de ça vous-même, alors que vous ne parliez pas. Quand la séparation des parents, vous nous avez dit, j'en parlais pas. La mort de l'oncle, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Est-ce que Fajet a été pour vous aussi, comme animateur, pas simplement comme accompagnateur de jeunes, a été un des lieux d'ouverture de pouvoir partager, de pouvoir dire en toute simplicité et en confiance ce qui vous tenait à cœur? Je pense, oui, mais j'ai plus d'exemples concrets ou qui m'ont marqué, quoi. Hein, mais vous parliez tout à l'heure aussi de la fondation d'une famille, c'est important. Oui, oui. Et naissance d'enfants? Naissance d'enfants, j'ai deux enfants, hein, Marie et Jean-Baptiste, hein, qui ont 37 et 36 ans, ou 38 et 37 bientôt. Allez, une fierté pour... On va en rester là, mais comment Jean-Baptiste vous rend fier d'être papa? Comment Marie vous rend fier? On les a élevés, on leur a donné des principes, ou des règles, des principes de vie, en particulier d'être attentif aux autres, hein. Et je m'aperçois qu'effectivement, ils sont attentifs aux autres. Ils s'investissent aussi pour quand il y a besoin d'aider. Hein. Et puis, en même temps, moi, je suis fier parce qu'ils sont bien dans leur peau, bien dans leur tête. Donc, et puis, ils font du bien autour d'eux. Donc, ça me rend fier, quoi. Voilà. Et ils sont fidèles à leur papa? Ils sont fidèles à leur papa, oui, oui. Non, je crois qu'on est tous fidèles les uns aux autres, sans souci. Ouais. Benjamin, c'est toi qui vas avoir à prendre la parole. Hein. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai dit? Toujours avoir confiance dans sa vie. C'est moi qui te la donne. La seule chose très importante, c'est de toujours croire en soi. Ça veut dire quoi? Oui, de toujours croire en soi. Lorsqu'on a un projet en tête, il faut foncer. Ne pas se désunir et ne jamais s'arrêter. Et persévérer, ne penser qu'à ça. Regardez droit devant et forcément ça marchera. Dans la vie, il y a plusieurs sortes d'attitudes. On peut toujours parler, mais c'est encore mieux d'agir avec de l'action, de la conviction. Réagir et bouger, on finit même par s'étonner. Ce n'est pas facile d'être toujours au top, de toujours avoir confiance dans sa vie. La seule chose très importante, c'est de toujours croire en soi. Oui, de toujours croire en soi. Faut vraiment la saisir. Si on la laisse passer, on peut vraiment le regretter. Il faut réagir, forcer son destin, et savourer plus tard en pensant que l'on a bien fait. Quelle perte d'énergie si l'on est pessimiste, alors qu'il vaudrait mieux penser toujours positivé. On se sent bien mieux, plus zen, plus léger. C'est la bonne recette et on a beaucoup à y gagner. Ce n'est pas facile d'être toujours au top, de toujours avoir confiance dans sa vie. La seule chose très importante, c'est de toujours croire en soi. Oui, de toujours croire en soi. Toujours au top, de toujours avoir confiance dans sa vie. La seule chose très importante, c'est de toujours croire en soi. Oui, de toujours croire en soi. Fadjet, 40 ans, un anniversaire à partager. Joyeux anniversaire. Et ce soir, c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. Si c'est pas ce soir, c'était hier. Et si c'était pas hier, ça sera demain. Alors on va chanter pour toi. Et encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Joyeux anniversaire, Fadjet, mais aussi joyeux anniversaire au fondateur, notre père Guy. Alors voilà, il y a une petite surprise. Tu veux remettre le jingle? Allez, on continue l'émission, Benjamin. Donne-nous le générique. Alors Gilles, on est désolé, on t'a un peu plombé la fin de l'émission. Mais il y a plein de gens dans le studio qui sont venus souhaiter aussi un bon anniversaire à notre père fondateur, le père Guy. Un jour après le démarrage des 40 heures de Fadjet, joyeux anniversaire père Guy. Donc il y a plein de gens, il y a des anciens de Fadjet, il y a des gens qui sont tout proches de père Guy, des amis, il y a même le Cameroun qui est là. Le Cameroun avec Zachary qui on est Fadjet et même écouté au Cameroun. Et voilà, donc vous pouvez parler au micro, je pense qu'on va terminer. Ah non, j'ai une question à poser à Benjamin et une dernière question encore à poser à mon invité. Non, mais alors, encore joyeux anniversaire, père Guy, on va remettre le petit jingle. On voulait lui faire une petite surprise. Le générique, s'il te plaît. Et il veut vraiment. Oui, le générique, s'il te plaît. Vas-y. Fadjet, 40 ans, un anniversaire à partager. Joyeux anniversaire. Une heure avec sur Fadjet, animé par le père Guy. Allez, c'est bousculé parce que c'est les 40 ans de Fadjet, mais c'est bousculé, je vais tout de même demander, parce qu'il était prévu pour ça et on ne m'a pas dit qu'il ne faisait pas attention à l'émission. Valentin, comment tu réagis à tout ce que tu as entendu de Gilles? Moi, je trouve déjà que c'est une super histoire qui pouvait pas mieux tomber pour les 40 ans de Fadjet. L'histoire de cette création, un parcours assez bouleversant. Et je pense que 40 ans plus tard, il y a encore plein de gens qui peuvent se retrouver dans ce parcours. Des gens qui sont aujourd'hui membres de Fadjet, qui le seront peut-être plus tard, qui l'ont été. Je pense que c'est un récit qui est assez intemporel et qui, sur 40 ans, se répercute. Et merci d'avoir été là il y a 40 ans. Merci d'avoir eu ce projet fou de créer la radio. Et merci, voilà, il y a 40 ans d'avoir eu cette belle idée qui nous permet aujourd'hui d'être tous ensemble en studio. Merci à toi, Valentin. Il a réalisé l'émission et il en a été le témoin. Dernier mot avant qu'on se quitte, Gilles, et avant que je ne vous dise merci. Vous nous avez donné à entendre tout à l'heure, l'important, c'est de toujours croire en soi. C'est facile ou c'est difficile? Il y a des moments, allez, avec tout ce que vous nous avez raconté. Vous avez douté de vous-même? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, parce que je dis, effectivement, il y a des périodes difficiles, et je crois qu'il faut vraiment, dans ces moments difficiles, garder l'espoir, et puis surtout croire en soi, quoi. Et je pense en particulier à tous ceux qu'on abaisse parce qu'ils ne réussissent pas et qu'on n'aide pas à grandir. Et c'est pour eux que je veux dire, il faut toujours croire en soi. Vous avez évoqué tout à l'heure la figure de Sissou, d'Alexis. Est-ce que ça a été un moment de doute, de difficulté dans votre vie et sa maladie et sa mort ? Oui, ça m'a vraiment touché, ça m'a rendu triste et je pense que régulièrement je pense à lui. Et en même temps, quand il a été malade, là, il fallait qu'on donne des plaquettes puisque les plaquettes ça aide à guérir, enfin ça aide à guérir. Mm-hmm. Ça empêche les malades de tomber malades d'autres maladies. Et donc, j'ai donné mes plaquettes à cette occasion. Et pourtant, je supportais pas le sang. La première fois qu'on m'a fait une prise de sang, je suis tombé dans les pommes. Et donc, j'ai pensé très fort à lui en disant ce que je vais subir pour la première fois, là, qu'on me prenne des plaquettes, c'est rien à côté de ce qu'il endure. Et aujourd'hui, je continue toujours à donner soit des plaquettes, soit du plasma. Et dans 5 mois, ce ne sera plus possible parce que j'aurai dépassé la limite d'âge. Mais j'ai encore 5 ans pour donner du sang, donc je vais continuer. Voilà. Et je pense, chaque fois que je vais faire un don, je pense toujours à lui. Dernière question, réponse brève, si vous le pouvez. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez bien aimé que je vous pose ? Ah. Non, je... Est-ce qu'il y a un point de votre vie où vous dites, c'est dommage, j'en ai pas parlé ? À mes petits frères, 40 ans plus jeunes que moi. Oui. Comme ça, je ne m'attendais pas à la question. Merci d'avoir été ce que vous avez été pendant toute cette émission. Simple comme plusieurs qui sont ici, et y compris dans le studio, vous connaissent ainsi. Merci de votre simplicité, de votre goût de vérité. Continuez à vivre, à entretenir, même quand c'est difficile, cette aspiration à la fidélité. Merci Gilles, merci à toute l'équipe des fondateurs de Fadjet. Merci à vous. Merci à... voilà. Ce soir, merci. C'est sur mon anniversaire. Merci à toi Valentin, merci d'avoir été et celui qui a réalisé l'émission et celui qui a été celui qui a écouté pour réagir. Avec grand plaisir. Et puis merci à Fabienne, qui est la productrice de l'émission et qui nous dira sûrement bientôt quel est l'invité du mois prochain. Chance et à l'année prochaine.